dans tous les sens. Et je suis sûr qu'on a des sauces qui crament la main comme de l'encens. Qui t'explique comment percer le sas. Mais finissent devant la classe à faire Dieu aussi dans menace. Ça fait celui qui brasse des liasses. Mais pour un demi plein d'essence, ira s'égratter jusqu'à l'os. On en connaît tous. Les types qui brassent font les as. Mais on a toujours dit laisse-le. Parler de business, la suite. Alors t'en parlais, il était déjà excité. Rien qu'à l'écoute du générique de New Jack City. Et apparemment, les cash money brothers c'était. Lui évidemment et quelques manos de sa cité. Mais on sait tous qui se raconte par nécessité. Montrer ses billets sur la place, un bon rien pour sauter. Ah, ça fait le bad boy à la 50 cent. Question, est-ce qu'il gardera ses couilles en cas de descente? Surtout, gars, je leur souhaite qu'à s'afficher de la sorte. Au choix, c'est Stipane, dans l'embuscade derrière la porte. Ou bataillon Schmitt, à l'aube dans les deux cas, c'est grosse perte. Mon gars, tu seras au sol à crier grosse pute pour la flangue. Et t'auras beau changer d'angle. Tant que ça vise, ça se fout la crasse qu'il y a sous les ongles. T'es pour la flamme, gars, benga. Benga. Ça se maquille en chef de flamme pour sortir de la meuf du manga. Flanga. Et t'auras beau changer d'angle. Tant que ça vise, ça se fout la crasse qu'il y a sous les ongles. T'es pour la flamme, gars, benga. Benga. Ça se maquille en chef de flamme pour sortir de la meuf du manga. On en connaît tous, les types qui poussent pour faire les molosses. Déjà torse nu alors qu'il fait 16 degrés pas plus. Tu sais le temps passe, dit-il en regardant son plexus. Une cicatrice d'enfance se transforme en trou de bastos. Il nous baisse tous, son kit c'est Lexus V6. Mais passe à la classe, sa dernière caisse est en pièce fils. Quand les pneus gris se rasent comme s'ils avaient un kit noce. Première chicane, il se ramasse, pète les chicots. Tout pour la flamme, ça fait le psycho. Et en cas de plein gros, c'est la daronne qui sort le chèque. Et il sait que ça fait le baron devant les schnecks. En fait, t'as sec, c'est assez pour lui payer le snack. Coupant la mêlée, on sera tout de suite comme un Mac. Mais tu restes à la muse, un divertissement pour la bac. Quand c'est bâtard, cherche leur conso. T'inquiète, ils savent qui coince, c'est la grande gueule, ils te secouent ça. Ce qu'on verra pas, c'est bien les types respectés. Ceux qui parlent grave et qui n'iront pas le répéter. Rappelle-toi, qu'être silencieux veut me crépiter. Mais je sais que t'as de la serait trop de la raconter, rupter. Pour la flanga, et t'auras beau changer d'angle. Tant que ça brise, ça se fout la crasse qu'il y a sous les ongles. T'es pour la flamme, gars, benga. Benga. Ça se maquille en chef de gang pour sortir de la meuf du manga. Flanga, et t'auras beau changer d'angle. Tant que ça brise, ça se fout la crasse qu'il y a sous les ongles. T'es pour la flamme, gars, benga. Benga. Ça se maquille en chef de gang pour sortir de la meuf du manga. Pour la flamme, deux pour le billet, trois langues pour se délier, quatre et deux déquiliers, cinq piliers d'une soirée bélier, six à toi de griller les mythos, et ça parmi les milliers, moi les sapes que j'ai sur dos correspondent à l'état de mon palier. Pour la flamme, deux pour le billet, trois langues pour se délier, quatre et deux déquiliers, cinq piliers d'une soirée bélier, six à toi de griller les mythos, et ça parmi les milliers.